Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin. Un film majeur, pionnier d'un genre documentaire qu'on appelle alors cinéma vérité. L'été 60, Jean Rouch, ethnologue, et Edgar Morin, sociologue, arpentent les rues de Paris pour tourner ce qui s'apparente alors à une aventure collective. Un film comme il n'en existe pas, ou si peu, en France. Pas de scénario, pas d'acteur, pas de studio, juste une caméra mobile à l'épaule pour filmer les gens, leur quotidien, leur réel. Chronique d'un été, c'est l'incarnation de ce que Edgar Morin appelle donc le cinéma vérité. Une expression qui va nourrir autant de polémiques qu'elle va faire des mules en ces années 60, si propice aux mutations et aux expérimentations. Notre invitée aujourd'hui, Catherine Bizerne, déléguée générale de Cinéma du Réel. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. ...1960, le début d'une décennie qui verra des mondes finir et d'autres naître. L'année zéro d'une époque qui connaîtra bien des révolutions sexuelles, morales, artistiques, scientifiques, technologiques et autant de premières fois. Une sorte de renaissance. En Angleterre, patrie du rock et de la modernité, les Beatles se débarquent. En France, c'est l'avènement de Johnny, qui souvent reprend d'ailleurs les chansons des premiers cités en y accolant les paroles françaises. Ce sont aussi les premiers pas du nouveau franc, les premières indépendances des territoires africains colonisés par la France, Sénégal, Bénin, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Tchad, République centrafricaine, Congo, Brazzaville, après la Guinée, 2 ans plus tôt. En Algérie, les partisans de l'Algérie française les plus virulents se soulèvent, hostiles à la politique d'autodétermination du général de Gaulle, président de la République, depuis peu. Les années 60, c'est le cœur des Trente Glorieuses, le plein emploi, l'industrie dynamique, la voiture, la télé, la machine à laver, la mini-jupe. C'est aussi une époque où l'on fait bien peu de cas de la femme, le sexe faible, ose-t-on dire. Une décennie où la clope, le CO2 et les accidents de la route qui provoquent morts en série et blessures de guerre sont des marqueurs. Les 60s ont leur laideur et pourtant elles sont perçues comme un âge d'or, joyeux et salutaire. Miroir d'une ère où l'on change d'air, paradigme nouveau que le cinéma traduit dans un bouillonnement non conformiste, un courant révolutionnaire et passionné, la nouvelle vague. Une façon inédite de fabriquer des films sans volonté de tromper le spectateur quant à la réalité de ce qui est filmé. La nouvelle vague, c'est du cinéma et ça se voit. À l'été 60, c'est donc dans cette France-là, celle des cahiers du cinéma, de la guerre d'Algérie, de Brigitte Bardot et des ouvriers spécialisés, que Jean Rouch et Edgar Morin vont faire leur chronique d'un été et donner naissance à un tout nouveau genre de cinéma, à la fois tout proche et tout à fait distinct de la nouvelle vague, le cinéma vérité. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma vérité. Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Je peux essayer. Documentaire, c'est en 1926 qu'on utilise ce terme pour la première fois dans un article du New York Sun concernant le film Moana, dans lequel le réalisateur américain Robert Flaherty suit le quotidien d'une famille polynésienne. À l'époque et dans les années qui suivent, les documentaires projetés en première partie de séance avant le long métrage de fiction ont avant tout une visée pédagogique. Trente ans après les films de Robert Flaherty, Moana ou Nanouk l'Esquimau, le documentaire devient cinéma direct, sous l'influence de la section française de l'ONF, l'Office national du film du Canada, et du chef opérateur canadien Michel Brault. Alors que la croissance économique du Québec se double d'une ouverture culturelle sans précédent, Michel Brault imagine une nouvelle façon de filmer. À l'époque, on éclaire et on filme un documentaire comme un film hollywoodien, souvent même en studio et dans des décors reconstitués. À cette époque, en tout cas ici, nous, on était très enfoncés dans des traditions immuables. Les caméras devaient être sur trépied. D'abord, elles étaient très lourdes. Le son n'était pas portatif non plus. Il fallait souvent un camion complet pour pouvoir enregistrer du son dans les campagnes, en dehors des studios, etc. Alors, les éclairages étaient très compliqués. La pellicule n'était pas sensible. Enfin, c'était une époque, la fin des années 50, où il n'existait pas du tout de cinéma comme on le connaît aujourd'hui, ou de la télévision portée sur l'épaule, des choses comme ça. Dès 1957, Michel Brault fait le choix de la lumière naturelle, d'une caméra en mouvement et surtout d'un objectif grand angle qui lui permet de s'approcher des personnages. Filmer les hommes plutôt que leur environnement, voilà l'idée que le sociologue Edgar Morin va nourrir pendant le Festival des Peuples, un happening de films ethnographiques et sociologiques qui se tient à Florence au début de l'année 60. J'ai eu l'impression qu'un nouveau cinéma était possible, écrit alors le chercheur en sociologie du cinéma dans un article du 14 janvier de cette année-là, publié dans France Observateur sous le titre « Pour un nouveau cinéma vérité ». Edgar Morin ressent ce besoin profond d'interroger l'homme et son intimité à travers un film sur les ouvriers, les petits bourgeois, les bureaucrates, les hommes et les femmes de nos énormes cités, pour reprendre ses mots. Ce projet, il va le proposer lors du Festival des Peuples à un cinéaste qu'il estime Jean Rouche. Le cinéaste scaphandrier, l'expression est d'Edgar Morin, réalisateur reconnu de Moi, un noir, présente à Florence Les Maîtres à fous, un documentaire ethnographique sur les pratiques rituelles d'une secte religieuse du Niger pendant la colonisation. Edgar me dit, mais écoute, tu ne serais pas prêt à tourner avec moi un film sur ta tribu, parce que tu parles des autres, qui est la tribu des Parisiens. Tu serais prêt, on ferait une enquête cinématographique, il serait intéressant de la faire maintenant. Et là, il me dit pourquoi, c'est que à cette époque, en 60, au printemps 60... La métropole, 60, l'Algérie, le monde entier... L'Algérie étant actuellement ce qu'elle est, et le monde ce que nous savons... On espérait que la guerre d'Algérie allait prendre fin. Ça va changer beaucoup de choses en France, explique Edgar Morin. La guerre d'Algérie, en effet, se poursuit en cet été 60. Mais Jean Rouche est séduit par l'idée d'Edgar Morin, faire un film ethnographique sur sa propre tribu. Le chercheur et le cinéaste, le sociologue et l'ethnologue, très différents l'un de l'autre, vont alors imaginer ensemble « Comment vis-tu ?» Un film qui se veut avant tout une recherche et une expérience d'interrogation cinématographique, comme l'écrit Edgar Morin dans sa note d'intention. Jean Rouche, lui, n'écrit pas, bloqué, dit-il, par la difficulté presque insurmontable d'exprimer ce que sera un film avant de le faire. Morin et Rouche, deux approches, deux personnalités. Soutenus par le procureur Anatole Doman, ils se mettent d'accord sur la forme de « Comment vis-tu ?», qui deviendra par la suite « Chronique d'un été ». Un film d'entretien comme il en existe alors très peu, ou plutôt un film de rencontres, de conversations spontanées, de discussions familières et libres. Pas de commentaires descriptifs, comme c'est déjà l'usage dans le genre, mais une parole vivante. Avant de proposer une réflexion sur un sujet, l'enquête de Rouche et Morin est une expérience, tant pour ses auteurs d'ailleurs, que pour ses protagonistes. Juin 1960, c'est donc un tournage aventureux qui commence pour Jean Rouche et Edgar Morin. Pas de scénario, rappelons-le, pas d'acteur, mais des idées et des désirs que les deux réalisateurs expérimenteront au cours de l'été, inspirés par l'air du temps, l'actualité immédiate et les rencontres qu'ils feront. Jean Rouche raconte. Le point de départ de ce film était le problème du bonheur chez les gens de Paris. Ceci venait de différentes conversations avec Edgar Morin et également de mon désir de faire un film d'ethnographie parisienne. Au début, nous ne savions pas du tout où nous allions. Nous mettions une caméra sur un pied, nous mettions des gens devant cette caméra et nous les interrogions. Et puis, petit à petit, certains thèmes sont nés et très singulièrement, la caméra, comme toujours, est devenue un témoin et même un prétexte. C'est-à-dire la façon de s'exprimer, la meilleure manière de s'exprimer, c'était de s'exprimer devant la caméra. Une caméra sur pied, les amis de Jean Rousse, ceux d'Edgar Morin, un appartement, une table et des bouteilles de vin. C'est dans ce cadre que le tournage débute en juin 1960. Des essais pour convaincre le producteur Alain Dolnoman, encore un peu circonspect devant tant d'improvisation, c'est utile. Des heures de conversation sur la vie, la politique, l'amour, le travail, tout et rien quoi. Et un dispositif très statique qui ennuie un peu Jean Rousse dans un premier temps. Un film, deux équipes. Les gens de Rousse et ceux de Morin réunis le temps d'un été. D'un côté, Nadine, Landry et Raymond, les amis africanistes ou africains de Jean Rousse, étudiants, enthousiastes, bien dans leur peau, peu politisés. De l'autre, les proches d'Edgar Morin, des anciens du Parti communiste, blessés dans leurs convictions politiques par la répression soviétique en Hongrie. Marceline, ancienne déportée, Marie-Lou, la fragile secrétaire des cahiers du cinéma, Angelo, un ouvrier anarchiste et désabusé, des étudiants politisés comme Jean-Pierre Sergent et son copain de cagne, Régis Debray. Deux mondes parallèles qui se rencontrent devant la caméra. Et c'est ouvertement l'un des objectifs de l'expérience menée par les deux réalisateurs. Briser la membrane qui nous isole chacun les uns des autres, dans le métro, dans la rue, dans l'escalier, de l'immeuble. Comme l'écrit Edgar Morin dans l'article de France Observateur, titré « Pour un cinéma vérité ». Une expérience réussie, à en croire Jean Rousse. Cette expérience qui consistait à faire rencontrer un ouvrier de chez Renault, ouvrier assez malheureux, assez révolté, souffrant d'un certain nombre de complexes, contre ses méthodes de travail, contre le milieu dans lequel il vivait, oui. Avec ce noir qui normalement devrait souffrir également d'un complexe, un certain complexe, parce qu'homme noir et jeune étudiant noir en France. Et devant la caméra, nous avons assisté, et le spectateur, je pense, se sentira, à la rencontre de ces deux personnages qui, je vous l'assure, ne s'étaient jamais vus avant. Lorsque l'ouvrier a dit au jeune Africain, « Eh bien, tu me permets de me tutoyer ?» Eh bien, là, je crois que, peut-être pour la première fois, devant une caméra, une amitié était née. Et pour moi, ce moment authentique était un moment essentiel. Et c'est dans ce sens que je voudrais continuer à faire du cinéma. Nous éloigner de nous-mêmes tout en nous rapprochant d'autrui, écrivait Edgar Morin en janvier 60. Et des discussions qu'il filme avec Jean Rousse au début de l'été émergent effectivement des rencontres, des moments intimes ou collectifs. Les pleurs de Marie-Lou, cette jeune Italienne aux pensées noires qui bouleverse Jean Rousse, le malaise des étudiants et des ouvriers, Jean-Pierre et Angelo qui annoncent, dira-t-on, a posteriori donc sans risque, mai 68. Le film, qui s'appelle « Comment vis-tu » et pas encore chronique d'un été, rappelons-le, témoigne des malaises de la France de l'époque. Les conditions de travail d'Angelo, l'ouvrier spécialisé, la société du spectacle avec Sophie, le sosie raté de Brigitte Bardot, le malheur intime, celui de la solitude et de l'individualisme avec Marie-Lou, la guerre d'Algérie, le conservatisme et le racisme aussi. Comme dans cette scène dérangeante aujourd'hui où Marceline Loridan, jeune femme juive déportée pendant la guerre, a du mal à masquer son malaise face aux deux étudiants ivoiriens, Landry et Raymond. « Je ne suis pas raciste », tente-t-elle d'expliquer, mais... je ne pourrais pas coucher avec un noir. André Heinrich, le directeur de production du film, se souvient de la suite de cette conversation. Et Rousse a l'idée fantastique, il demande à un des deux Africains, lui dit... Landry, est-ce que tu as remarqué que Marceline avait sur son bras un numéro? Oui. Qu'est-ce que c'est du coup? Non, j'ai aucune idée. Aucune idée? Bon. Et toi, Raymond? Mais moi, je sais pas exactement. Je sais que ce sont les marins qui portent d'habitude des numéros sur les bras. Et comme elle n'est pas de la marine... Alors, qu'est-ce que... Pourquoi? Je sais pas exactement ce que ça veut dire, oui. Peut-être. C'est la coquetterie. Peut-être, oui. Pourquoi un chiffre? Pourquoi un chiffre? J'aurais pu mettre un cœur. Non, ça peut pas être le numéro de téléphone parce que ça, c'est trop long, 78 750. Mais tout d'abord, c'est pas un V, c'est un triangle qui est la moitié de l'étoile juive. Je sais pas si tu connais le symbole juif, qui est l'étoile à six branches. Et d'autre part, le numéro, c'est pas mon numéro de téléphone. J'étais déportée dans un camp de concentration pendant la guerre parce que je suis juive. Alors à ce moment-là, il y a eu un très très beau geste de Nadine qui elle a pris une fleur qui était sur la table, elle l'a tendue sans dire un mot, et il y a l'opérateur Viguier qui dit « il n'y a plus de pellicule ». Lors du tournage de cette scène, Albert Viguier, le chef opérateur, prend une décision qui va sans doute changer le cours du film. Il part pour ne pas se compromettre dans une entreprise qu'il juge aléatoire. Les conditions techniques ne lui permettent pas de réaliser de belles images. Et ce chef opérateur qui a travaillé avec Marcel Carnet pour Le Jour se lève et qui a été formé au cinéma muet ne se reconnaît pas dans ce cinéma vérité qui délaisse l'image au profit de la parole. Un conflit de génération insurmontable dont Viguier se souviendra toute sa vie avec amertume. De surcroît, il considère que Jean Rouch est malhonnête. Cette rose, dit-il, que Nadine offre à Marceline alors qu'elle parle des camps de concentration, c'est le réalisateur lui-même qui l'a apportée. Le constat du premier chef opérateur de Chronique d'un été est rude. Non seulement la photographie de ce cinéma vérité est dégradée, mais la vérité est mise en scène. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène. Sensible. Fabrice Drouel. Albert Viguier est parti, c'est Raoul Coutard, directeur mythique de la photo versus Nouvelle Vague, qui prend le relais. Cotard qui a filmé À bout de souffle de Jean-Luc Godard, Jules et Jim de François Truffaut ou encore Z de Costa Gavras, a commencé comme reporter pendant la guerre d'Indochine avant de révolutionner le cinéma français. À la mi-juillet 60, il accompagne Jean Rouch et Edgar Morin dans une usine Renault. Chef opérateur tout-terrain, costaud et flexible, Coutard enlève la très lourde caméra Caméflex de son trépied et la porte à l'épaule. Une tentative filmique concluante qui va convaincre Jean Rouch d'aller plus loin. Car le réalisateur des Maîtres Fous et de Cocorico, M. Poulet, veut innover. Oui, dépasser la caméra fixe, rasoir les repas assis chez les copains d'Edgar Morin. Rouch fait alors appel au maître du cinéma documentaire canadien, le chef de file de ce qu'on appelle au Québec le cinéma direct, Michel Brault, qu'il met en contact avec André Coutant, ingénieur génial de la société Éclair. Et Coutant, avec la venue du 16 mm et de la demande pour une caméra portative, il a eu l'idée de prendre une petite caméra qu'il avait fabriquée, je crois, pour l'aviation. Je crois qu'elle était synchrone avec les mitrailleuses ou les hélices d'avion, je ne sais plus très bien. Et cette petite boîte, tout petite, M. Coutant lui avait rajouté un moteur en dessous qui la faisait tourner à 24 images. Il avait rajouté un magasin ou chargeur de 120 mètres et un zoom à l'avant. Et nous, on a pris ça et on est parti tourner. Ça tourne. C'est donc avec une caméra prototype et avec enthousiasme que Michel Brault poursuit le film comme chef opérateur. La KTM, petite caméra de 5 kg en 16 mm, révisée, améliorée chaque soir par André Coutant dans son atelier de Neuilly, est associée à un magnétoscope Nagra, en prise directe. Donc, pour la première fois, une caméra à l'épaule en 16 mm est synchronisée avec la prise de son. La KTM d'André Coutard donnera naissance en 1963 à une autre caméra mythique, l'Éclair 16, qu'on retrouvera chez Chris Marker, Jean Eustache ou dans les reportages de l'ORTF. À la KTM, ce prototype de caméra s'ajoute des pellicules que Michel Brault réclame de plus en plus sensibles. Il veut ainsi filmer le réveil d'Angelo, l'ouvrier de chez Renault, presque sans lumière. Un défi relevé avec succès, encore une fois. Mais c'est au Hall, à Paris, que Jean Rouch, Edgar Morin et leur chef opérateur vont tester l'un des dispositifs les plus singuliers du film. À la mi-août, ils envoient Marceline Loridan, amie d'Edgar Morin, se promener seule dans les rues de la capitale. Autour de son cou, un micro relié à un enregistreur Nagra qu'elle porte dans un sac. Une séquence tournée sans preneur de son ni caméraman, puisque la caméra tourne toute seule, posée sur une voiture, comme le raconte Jean Rouch. Et on a décidé d'aller tourner au hall, et on a tourné ce plan que j'aime énormément de Marceline qui s'en va dans les halles, et qui tout d'un coup avait confiance parce qu'elle avait le micro, elle savait qu'on n'écoutait pas ce qu'elle disait, qu'elle pourrait toujours le censurer. Et Michel avait une idée formidable qui était de poser la caméra sur l'arrière de ma deux chevaux, et on poussait la deux chevaux, et à un moment donné, il me dit « laisse, on va laisser mourir », et la caméra s'arrête d'elle-même tout doucement. Et elle s'approchait, on ne savait pas ce qu'elle disait. Tu m'as appelé ta petite fille. J'étais presque heureuse d'être déportée avec toi tellement je t'aimais. Papa. Papa. Comme je voudrais t'avoir maintenant. J'étais en face de moi, dira Marceline Loridan-Evans pour décrire le dispositif imaginé par Michel Brault. Une méthode qui pose tout de même la question de la spontanéité et de la sincérité de ces images. Les deux réalisateurs s'interrogent d'ailleurs. De manière générale, la caméra fausse-t-elle, inhibe-t-elle ou exacte-t-elle les comportements de ceux qui sont filmés ? Marceline, timide et réservée au début du tournage, finit par prendre confiance, au point de maîtriser la caméra, comme elle le dira elle-même. Dans cette séquence des halles, laissée libre de s'exprimer par Jean Rouch et Edgar Morin, elle se met en scène et fait le choix conscient du drame, de l'émotion, en s'adressant à son père, mort dans les camps. un cheminement personnel face à la caméra qui mènera la jeune femme à la dernière étape de fabrication du film, celle que beaucoup de spectateurs garderont en mémoire, le micro-trottoir. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ? Je vous en prie. Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? S'il vous plaît, monsieur. Êtes-vous heureux ? Quoi ? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Je pense que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Non, madame. Je vous en prie. Vous mais... Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit, c'est ma figure. Si, mon âge. Si, vous avez un visage très clair. Moi, alors, je suis heureuse. Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans ? Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. C'est pas vrai. Je suis contente d'avoir la santé et un mari gentil. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend sur quoi ? Vous savez, question d'argent, non. On n'est jamais heureux quand on est ouvrier. Vous n'êtes quand même pas malheureux. J'ai perdu ma soeur. Aïe. 44 ans. Et ma chère. Je suis bien embêté, croyez-moi. Nous sommes en septembre 1960 et le film va trouver son titre. Après des pérégrinations estivales au Pays Basque et à Saint-Tropez, Comment vis-tu devient donc Chronique d'un été. De retour à Paris, Jean Rouch et Edgar Morin tournent une séquence à laquelle ils pensent depuis le printemps. Marceline et Nadine se lancent dans les rues de la capitale, micro à la main, avec cette question à la bouche. Êtes-vous heureux ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Répond le premier personnage, vous l'avez entendu, c'est drôle à entendre, drôle à voir, pas forcément drôle à faire. Pourtant, figure désormais ordinaire du journal télévisé ou radiophonique, facilité dont usent et abusent les journalistes quand ils sont à court d'idées, le micro-trottoir est alors une nouveauté, notamment en matière de montage. Le montage de Chronique d'un été, ce sera sans doute l'épreuve la plus difficile pour Jean Rouch et Edgar Morin. Car si chacun a pu expérimenter ce qu'il souhaitait expérimenter, il faut maintenant organiser les 25 heures de rush enregistrées pendant plus de 3 mois. Et les désirs de chacun, qui jusqu'alors ont pu cohabiter sans heurts, vont se confronter aux limites du travail à 4 mains, et même à 8. Car deux monteurs, Néna Baratier puis Jean Ravel, vont s'atteler à ce travail titanesque. D'abord, il faut synchroniser l'image et le son, parfois très légèrement décalé. Ensuite, trouver la grammaire du film et surtout choisir. Entre Jean Rouch et Edgar Morin, c'est la scission. Le premier, qui a déjà 3 films à son actif, impose sa vision. Construire, condenser, réduire, au risque de briser la temporalité du réel. Quand Edgar Morin, lui, préférerait privilégier certaines séquences, en temps réel, avec leur longueur, ce qu'on appelle un plan-séquence. Il raconte. Alors on a dit, on s'est mis d'accord, enfin avec Dauman, tout ça, on dit voilà, ben Rouch présente son montage, puis après moi je présenterai le mien. Et donc le montage a été fait, et après cette présentation j'ai dit je fais mon montage. Alors il a après dit ah non c'est pas possible, ah non on n'a pas le temps, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais été floué. J'avais été floué, j'en ai beaucoup voulu à l'époque à Néna Baratier qui avait un visage tellement candide et sincère. Et puis j'en ai voulu à Dauman, je lui ai dit, enfin d'une façon bouffonne, qu'il avait assassiné Eisenstein enfant, enfin, etc. J'en ai voulu à Rouch, mais pourtant je n'ai pas voulu rompre parce que je voulais quand même sauvegarder un certain nombre de choses dans le montage final. Depuis le début du tournage, en juin, Jean Rouch et Edgar Morin ont cette idée en tête. Montrer les rushs aux participants, comme l'avait fait le pionnier du documentaire Robert Flaherty en 1922 avec Nanouk l'Esquimau, et intégrer leur réaction au montage. En septembre, Marceline, Angelo, Marie-Lou, Landry et les autres protagonistes de Chronique d'un été participent à ce que Rouch et Morin appellent l'ultime psychodrame. Autrement dit, la projection d'un premier montage suivi d'un débat filmé. Les réactions sont partagées, évidemment, souvent sévères et parfois même violentes envers certains personnages, comme Marie-Lou, dont Nadine dénonce l'exhibitionnisme. Avec ce système, on pourrait obtenir que des scènes qui soient artificielles ou des scènes qui frisent, et non seulement elles le frisent, mais elles le sont carrément, qui sont impudiques. Moi, je dis comme lui, elles sont impudiques. Et au début, lorsque vous aviez demandé si on avait envie maintenant de connaître les gens, etc., moi, il y a un certain nombre de personnes ici, je m'en excuse, que j'ai absolument pas envie de connaître après ce film. Et entre autres, j'avoue que Marie-Lou, moi, ça me gênera atrocement, ça me gênerait, parce que... Elle nous a dit trop de choses, elle s'est trop dévoilée. Je trouve que Marie-Lou a été vraiment extraordinaire et la seule envie que j'ai maintenant, c'est de la connaître. En 1961, ça y est, les commentaires des protagonistes sont intégrés au montage. Chronique d'un été est terminée. C'est un film d'une heure et demie, pas plus, car le producteur Anatole Domer l'a imposé ainsi. Et puis, de toute façon, plus long à l'époque, ça se fait pas. En mai, un an après le début du tournage, le film de Jean Rouch et Edgar Morin reçoit le Grand Prix de la Semaine de la Critique lors du 14e Festival de Cannes, comme la Dolce Vita de Fellini ou Rocco et ses frères de Visconti les années précédentes, excusez du peu. Mais cette distinction officielle ne suffit pas à assurer le succès de Chronique d'un été auprès du grand public, que la dimension expérimentale inquiète tout de même. Jean Rouch, Edgar Morin, trop intello ? Le 20 octobre 1961, le film sort dans une seule salle à Paris, Les Agriculteurs, un cinéma d'art et essai du 9e arrondissement. Nella Baratier, la monteuse du film, se souvient. Cinéma vérité. C'était intelligent comme titre. C'est une expression qui n'existait pas avant. Qui n'existait pas, mais... Comment dire, enfin, moi je dis ça, mais ils vont pas être contents les autres. Mais il me semblait que tout cinéma était vérité. Tout à coup, ça m'a fait découvrir que peut-être tout cinéma n'était pas vérité. Mais j'ai trouvé que c'était, ça avait du chic, quoi. Ça devait marcher comme slogan, mais même les films de fiction sont des cinémas vérité, enfin, je veux dire. Enfin bon, enfin, côté slogan publicitaire, c'était bien. Cinéma vérité promettent les affiches. Cinéma vérité annonce Jean Rouch dans le commentaire d'introduction du film. La vérité, un beau slogan et un bien grand mot qui ne déchaîne pas les foules, mais qui intrigue la critique. Dans la presse, Chronique d'un été nourrit la controverse. Comme la jeune Nadine dans la dernière séquence du film, une partie des spécialistes juge l'œuvre impudique, tout à la fois voyeuse et exhibitionniste. C'est de la prostitution de la part de ceux et celles qui s'y livrent, et c'est du viol ou du proxénétisme de la part de ceux qui les poussent à se livrer, écrit la Croix, qui dénonce également les blablas vertigineux d'une bande de braves gens enfonçant des portes ouvertes sur la guerre d'Algérie, le racisme ou l'ennui tropézien. Pierre Marcabru du Figaro, dans Le Masque et la Plume, souligne lui la condescendance de Jean Rouch et Edgar Morin, montreurs de singes. Enfin, c'est ce qu'il pense, et comme nous sommes dans Le Masque, il le dit. Malheureusement, dans le cas précis de ce film, c'est que Morin a pris des gens qui étaient autour de lui et qu'il connaissait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des cas ordinaires, c'est-à-dire des gens que l'on rencontre dans la rue, ce sont des cas d'exception, ce sont des personnages. Et brusquement, ce film, qui est un cinéma vérité, devient un film romanesque, c'est-à-dire que l'on cherche l'exception, l'exceptionnel dans des êtres, et non plus ce qui est dans tout le monde, le commun, vous comprenez? Et ça me gêne beaucoup. Et nous sommes tous des exceptions, non? Non, je ne crois pas. Par exemple, je prends un exemple très précis, il y a un ouvrier de chez Renault, cet ouvrier de chez Renault est un homme qui est tout à fait extérieur à Renault, qui est contre ces ouvriers, qui dit, vous voyez, ces malheureux types, ils travaillent, ils sont mais des tous des les ouvriers idiots, sont imbéciles. Peut-être comme ça, non? Non, je ne crois pas. Le Figaro, mais aussi l'Humanité, regrette que les protagonistes choisis par Jean Rouch et Edgar Morin ne soient pas représentatifs de la société française, mais des personnalités singulières qui se donnent en spectacle face à la caméra. Alors, où est la vérité si l'ethnologue et le sociologue font mal leur travail? Une partie de la critique encore peu habituée à ce genre nouveau de cinéma ne perçoit pas la pertinence de la proposition de Jean Rouch et d'Edgar Morin. Avant d'être une enquête sociologique, Chronique d'un été est un film de cinéaste qui interroge le réel, certes, mais aussi le cinéma. La vérité dont le film se revendique n'est pas tant scientifique que cinématographique. Sur France Culture, Edgar Morin précise sa pensée. Avec le cinéma vérité, il ne prétend pas donner à voir la vérité, mais la recherche d'une vérité. C'était la recherche de la vérité, c'était pas voici la vérité. Le rôle de la caméra, et dans le cadre de ces entretiens, était peut-être même de faire, à un moment donné, déchirer les masques. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'étais, moi, partisan du très gros plan, quasi en permanence. Parce que je pensais qu'on pouvait lire un drame, une tragédie, quelque chose d'extraordinaire dans un visage où la bouche cherche les mots, n'arrive pas à les trouver, trouve un mot qui n'est pas tout à fait celui-là, puis retrouve un autre. Et c'était ça, la vérité. Doman a axé sa propagande, voilà le cinéma vérité. Peut-être d'une façon un peu trop insolente. Et qu'à ce moment-là, le point d'exclamation implicite qu'il y avait dans ce mot enlevait le point d'interrogation réel que nous y mettions. Cabotinage, impudeur, complaisance, mensonge et banalité, tout aura été reproché à Chronique d'un été. Pourtant, le film d'Edgar Morin et Jean Rouche reste l'un des pionniers de cette nouvelle façon de filmer au plus près du réel. Carte postale visuelle et sonore du premier été des 60s, Chronique d'un été a permis le développement de technologies innovantes qui serviront l'ensemble du 7e art. Mais s'il est resté un film majeur, c'est sans doute aussi parce qu'il questionne notre rapport au cinéma, à la caméra, et qu'il fixe dans nos mémoires le souvenir de ces acteurs qui n'en sont pas, Angelo, Landry, Marie-Lou, Marceline. Aujourd'hui, Chronique d'un été, notre invitée Catherine Bizerne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de Cinéma du Réel, qui offre un festival tous les ans. Est-ce que le documentaire a aujourd'hui trouvé une place auprès du public qu'il n'avait peut-être pas avant, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit un peu optimiste? Est-ce qu'il a le vent en poupe, quoi? Je crois que le documentaire a le vent en poupe, parce que contrairement à ce que vous racontiez aujourd'hui, je crois que les gens, ils aiment bien à la fois voir des films où les acteurs sont vrais, où ce qui se passe, c'est vraiment Pardon, le réel. C'est ce que je racontais, ça remonte aux années 60. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Je crois que les gens, enfin en particulier le public du cinéma, aiment avoir du cinéma documentaire. Il y en a de plus en plus qui sort en salle. Mmh. En même temps, on sait bien que le public du cinéma est très fragmenté aujourd'hui et on sait que là où les films faisaient 1 million d'entrées dans les années 60, aujourd'hui, quand on en fait 100, 150 000, on est content. Mais il y a quand même une place pour le cinéma documentaire dans les salles et aussi et c'est passé par plusieurs étapes. C'est aussi passé par le fait que le documentaire, en particulier en France dans les années 90, avait une très belle place à la télévision. Qu'ensuite, il a eu une place dans les salles et qu'aujourd'hui, les festivals importants, les festivals de classe A comme Cannes, Berlin, Venise, Locarno, montrent des films documentaires qui parfois ont des prix. Comme le Gianfranco Rossi qui a eu un prix à Berlin ou Wang Bing qui a eu un prix à Venise donc c'est, oui le cinéma documentaire a sa place dans le cinéma et a sa place auprès du public. Alors, la vérité mise en scène, on peut en parler quand même, parce que je crois que c'était un critique du Masque et la Plume qu'on a diffusé, qui disait, je trouve très très justement, on met des gens ordinaires dans une situation extraordinaire, et forcément, on prend des caricatures, on va faire un documentaire sur la santé, le poids, la santé dans l'assiette, par exemple, on va prendre quelqu'un qui est très très maigre, et puis quelqu'un qui est très très gros. Or, la société, c'est pas ça, c'est une majorité, la vérité, elle est entre les deux, toujours. Est-ce que ça vous pose un problème, vous, la vérité mise en scène? Alors, moi, je pense que la vérité n'existe pas. Chacun sa vérité, oui. Et que tout comme le réel n'existe pas, votre réel et mon réel, parfois ils se rencontrent, mais souvent ils sont parallèles. Et je ne crois pas que la question d'une vérité possible, qui est toujours celle du cinéaste, celui qui a le pouvoir, que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire, c'est le cinéaste. C'est celui qui filme, c'est celui qui choisit le cadre, le mouvement, le rythme, le montage du film. Et quelque part, le film n'est que sa propre vision de la vérité et donc sa vérité à lui. Donc, effectivement, après, je pense aussi que tout comme dans Chronique d'un été, Marceline, à un moment donné, prend en charge sa propre mise en scène, je pense que dans le cinéma documentaire, et c'est ça qui fait certainement la différence avec le cinéma de fiction, c'est que dans la fiction, le cinéaste est démiurge, est fait avec son propre désir. Dans le cinéma documentaire, il est obligé de faire avec le désir de l'autre, de la personne qui est filmée. Et la personne qui est filmée, elle est toujours, en tous les cas dans le cinéma, elle est toujours libre de prendre en charge elle-même sa propre mise en scène. Oui, mais quand le témoin d'un documentaire dont... d'un extrait du documentaire dont on a parlé, dont on a fait le récit, donne une rose, c'est ça, une fleur à un autre témoin, et on sait que c'est le metteur en scène qui a apporté la fleur, qui a dû lui dire, bah, tiens, tu donnes la fleur à ce moment-là, est-ce qu'on est dans la sincérité? Dans la sincérité, dans la recherche de la vérité documentaire. Mais, alors, il n'y a pas de vérité documentaire. D'accord, mais la sincérité, ça, c'est la démarche. Il y a la sincérité. Je pense que la sincérité, elle n'est pas dans cet acte-là qui est dit de la rose donnée par le metteur en scène pour que Nadine la donne à Marceline. Nadine, voilà. C'est une mise en scène. Oui. C'est une mise en scène, mais c'est autant une mise en scène quand Jean Rouge, dans Chronique d'un été, fait en sorte que le plan de, on voit dans le plan de Marceline, on voit son numéro. Cette manière de cadrer le bras, oui, de Marceline, c'est de la mise en scène. De la même façon, c'est la même chose. Alors ça veut dire qu'il y a un distinguo à faire entre le documentaire d'actualité, présenté comme tel, où on souhaite qu'il n'y ait pas de mise en scène, et le documentaire présenté au cinéma comme une œuvre cinématographique. Alors, c'est ça ou pas? Alors moi je crois effectivement que le cinéma documentaire a... C'est du cinéma et que à côté de ça, il y a d'autres types d'images mouvements que sont le reportage, que sont le cinéma pédagogique, le cinéma institutionnel. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de vérité dans l'actualité que dans le cinéma documentaire. So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough. So may we start. May we start. May we now start. So may we start. May we start. May we now start. It's time to start. May we start. May we now start. My time to start. May we start. May we now start. We fashion the wall, a wall built just for you. A tale of songs and fury with no taboo. We'll sing. We start. Sensible, Fabrice Drouel. Marceline Loridan, c'est une figure importante du genre documentaire pour vous. Marceline Loridan, c'est une une figure importante. Alors, c'est une figure importante pour le cinéma, français, je crois, en général, parce que, quand même, dans Chronique d'un été. Et là, je voudrais citer le livre de Frédéric Berthet qui s'appelle La voix manquante, où elle raconte la place de Marceline Loridan dans Chronique d'un été, et en particulier cette chose très spécifique qui est que Marceline Loridan est la première témoin des rescapés des camps. C'est la première. D'ailleurs, quant à Cannes, elle est interrogée puisqu'elle est devenue personnage à Cannes. Elle est interrogée au même titre que d'autres acteurs. Certains lui lui refuse ce terme de témoin. Il pense qu'elle s'est exhibée. Oui. Or, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est que pour la première fois, elle raconte quelque chose qu'elle a vécu. Et c'est vraiment la première témoin des camps. Et il faut dire que 60-61, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin du drame. Hein, et je crois que pour elle, c'est un moment clé. Parce que aussi, Frédéric Berthet le raconte dans son livre, on lui a dit, ne raconte rien. Oui. Et là, elle, la caméra, si c'est une question qu'on peut se poser aussi, puisque ça, dans l'émission, on en a, enfin, dans les archives, il le dit souvent, qu'est-ce que fait la caméra? La caméra lui permet de faire cet acte-là subversif, oui, pour l'époque. Transgressif même. Transgressif, qui est de témoigner de ce qu'elle a vécu. Et ce qui est très important, parce que pour l'histoire du cinéma, mais pour l'histoire tout court, puisque les anciens déportés ont eu tant de mal à communiquer l'incommunicable, et elle a dû, Marceline, dans cette démarche, aider les gens à parler. Une libération de la parole historique. Oui, je pense, et par ailleurs, ce qui en fait aussi un personnage très important du cinéma français, mais aussi une figure féministe, hein, c'est que dans Chronique dans l'été, c'est une femme qui était mariée, elle n'est plus mariée, et elle vit avec Jean-Pierre Sergent, qui est aussi dans le film. Oui. Elle a 32 ans, il en a 20. C'est une femme, c'est un modèle, effectivement. On l'écoute ? On l'écoute. On va l'écouter. Elle revient donc sur sa participation au film Chronique d'un été, 20 ans après. Marceline Loridan, vous êtes très timide dans votre première apparition et puis vous évoluez beaucoup dans le film. Oui, c'est vrai. Mais sans doute parce que j'ai maîtrisé le rapport à la caméra. J'ai compris. Je sais que c'est quand même en voyant un peu des rushs que j'ai compris. Et notamment Marie-Lou. J'ai constaté que tous les éléments dramatiques, ça payait, quoi. Qu'il fallait avoir le courage d'exprimer ses émotions, et aller même au-delà. Et voilà, c'est tout. Toute la fin du film joue sur jouer, pas jouer. Et que, évidemment, pour eux, c'était essentiel qu'on ne joue pas. Parce que ça foutait en l'air toutes les thèses du cinéma vérité. Or, la vérité, elle se situe à un autre niveau et pas du tout dans la façon dont on, émotionnellement, on était capable de se mettre soi-même en scène, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup d'acquiescements, évidemment. Bah, évidemment, je trouve que elle parle d'or. Oui. Je suis d'accord. C'est vrai que ce terme de cinéma vérité, je trouve que c'est très, très intéressant à la fin de l'histoire. C'est un slogan. C'est peut-être un concept au départ, à la fin c'est un slogan, et en même temps, Chronique d'un été est le seul film de cinéma vérité, en fait. Ah, oui, en fonction de tout ce qu'on vient de dire. Voilà, oui. Et par ailleurs aussi, aujourd'hui on dirait plutôt que c'est un film de performance. C'est un dispositif même. C'est un film à dispositif, un dispositif de performance, et ça a pas grand chose à voir avec ce qu'on peut entendre comme étant la vérité. Seulement, ce qui est beau, c'est que dans ce film, pour la première fois, tout comme Marceline témoigne de son état de rescapée, d'autres, pour la première fois, parle et parle de manière singulière, et je pense que effectivement tout le monde est singulier. Quelqu'un dans Le Masque et la Plume à l'époque le disait, oui, chacun est singulier. Il suffit de braquer la caméra sur quelqu'un pour qu'il devienne singulier. C'est ça qui est beau dans le cinéma d'ailleurs. Et toute dernière dimension de ce cinéma-là, est-ce que c'est notamment un Chronique d'un été, est-ce que c'est un film qui filme le cinéma en train de se faire? Je dis ça parce que l'une des sections du cinéma du réel s'appelle Fabriquer le cinéma. C'est le cinéma qui nous invite à regarder comment il se fabrique, c'est ça aussi? Alors moi je crois pas que En 10 secondes, pardon. Je ne pense pas que Chronique d'un été est un film qui raconte un film en train de se faire, parce que je pense que dans Fabriquer le cinéma, ce qui est intéressant de voir, c'est plutôt l'impuissance des cinéastes. Or là, dans Chronique d'un été, on voit surtout la puissance de deux cinéastes, Rouche et Morin. Merci. Merci infiniment Catherine Bizerne, pardon de vous avoir brusqué à la fin, mais l'heure, c'est comme ça en radio. Au revoir, merci. Au revoir.